Interdit. C'est clair, net et sans aucune ambiguïté. Les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à pénétrer sur le territoire de la Papouasie occidentale. Dans cette colonie verrouillée par d'anciens colonisés, les Indonésiens, on doit pouvoir continuer à spolier, tuer, massacrer et exploiter la nature en toute discrétion et en toute impunité. Une situation particulièrement révoltante au moment où l'on célèbre le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle France Inter consacre ce week-end plusieurs de ses programmes. La Papouasie, un pays lointain, quasi légendaire, mais qui nous est parfaitement étranger. Et cependant, lorsque nous nous asseyons sur nos chaises de jardin fabriquées dans un beau bois blond imputrescible, c'est souvent sur un petit morceau de Papouasie que nous nous installons. Un bois arraché à l'une des plus importantes forêts primaires du monde, aujourd'hui menacée d'extinction à cause de la voracité des marchands qui l'exploitent sans vergogne. La forêt meurt, mais les hommes d'abord. Victime de la cupidité des grandes sociétés anglo-saxonnes qui fouillent leurs montagnes pour extraire l'or et le cuivre et polluent irrémédiablement leurs terres. Victime d'une armée qui sert de garde-chiourme à ces industriels. Victime d'un système qui les exclut et n'a de cesse de vouloir détruire leur civilisation et leurs croyances, bref, leur âme. Dans un instant, le récit de Monsieur X sur ce désastre camouflé. Et en l'écoutant, vous comprendrez mieux pourquoi en Papouasie occidentale, les journalistes sont indésirables. Il existe encore aujourd'hui des terres inconnues, ce que les géographes appellent des taches blanches sur leurs cartes, c'est en Papouasie qu'elles se trouvent peut-être. De même qu'il s'y trouverait encore dans la jungle montagneuse des tribus papous ignorées qui vivraient à l'âge de pierre. Mmh. Rêve d'explorateur en mal d'aventure ou réalité, franchement, je n'en sais rien. Et puis, peu importe. Souhaitons simplement que si ces hommes premiers existent vraiment, ils demeurent le plus longtemps possible à l'écart de la civilisation moderne et de ces missionnaires protestants fanatiques. Je vous avais rarement entendu aussi indigné. Bah oui, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à ce dossier sans ressentir un sentiment de dégoût. Alors, voyons les choses plus calmement. Comme vous le savez sans doute, il y a deux Papouasies. L'une, ancienne colonie australienne, est indépendante depuis 1975, et l'autre, la Papouasie occidentale, est soumise à l'Indonésie. Et ça signifie que l'île de Nouvelle-Guinée est divisée en deux. Hein ? Une séparation parfaitement artificielle. Les colonisateurs, d'un simple trait de crayon, ont séparé cette île équatoriale en deux dans le sens de la largeur. Très grande île. Hein ? La deuxième plus grande île au monde, oui. Presque deux fois la France est occupée depuis des dizaines de milliers d'années par des tribus papous. Des centaines de tribus guerrières et qui parlent des langues différenciées. Les scientifiques estiment que le cinquième des langues parlées dans le monde se trouve en Papouasie. Ah ouais. Et au fait, ce mot papou Oh, ça vient d'un mot malais qui signifie crépus. Les papouches sont en effet des noirs et c'est pourquoi les premiers découvreurs ont baptisé l'île Nouvelle-Guinée. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui pratiquent une culture itinérante. Alors, bon, sans remonter très loin, disons simplement que l'île découverte au XVIe siècle par les Espagnols et les Portugais a d'abord été dans sa partie orientale une colonie allemande et britannique, puis australienne, après la Première Guerre mondiale. Tandis qu'à l'ouest, ce sont des Hollandais qui s'y sont installés. La Hollande, déjà puissance colonisatrice des îles indonésiennes dites néerlandaises. Et qui doit accorder son indépendance à ce puzzle ethnique et géographique dès 1949, tout en continuant à régner provisoirement sur la Papouasie occidentale. Donc à l'époque, la Nouvelle-Guinée occidentale ne fait donc pas partie de l'ensemble indonésien. C'est exact. Et la Hollande n'a nulle envie que Jakarta mette la main dessus. Ah, mais pour quelle raison, ça ? Bon, d'abord, non sans raison, la Haye considère que la spécificité ethnique de la Papouasie doit être respectée. Les Papous sont en effet des Mélanésiens, comme les Kanaks de la Nouvelle-Calédonie ou les Aborigènes d'Australie. Donc aucun rapport avec les Indonésiens qui, eux, sont d'origine asiatique. Bah ensuite, il y a certainement chez les Hollandais un esprit de revanche. Mmh. Oui, parce qu'ils ont été obligés de donner son indépendance à l'Indonésie. Et qu'ils ont toujours du mal à l'accepter. Par conséquent, ils entendent préparer l'indépendance de la Papouasie occidentale plutôt que de la donner à Jakarta. Et forcément, ça crée de nombreuses tensions entre les deux capitales. Mmh. Mais attendez, quand vous dites là que les Hollandais veulent préparer l'indépendance de leur colonie, bah, ils encouragent la formation professionnelle des papous et l'éducation. Ils forment aussi des cadres administratifs et encouragent la création de partis politiques. Ça va même si loin que les papous, en accord avec leurs colonisateurs, déclarent leur indépendance au début des années 1960. Une décision qui doit exacerber la querelle avec Jakarta. Bien entendu. Et la question devient internationale. Et les États-Unis vont peser de tout leur poids en faveur d'une solution indonésienne. Mais attendez, que viennent-ils faire dans cette histoire, les États-Unis, là ? C'est très simple, la raison profonde, c'est la guerre froide, je vous explique. L'Indonésie, qui faisait jusqu'alors partie des pays non alignés, exerce un véritable chantage sur Washington. Si vous ne nous aidez pas à annexer la Papouasie occidentale, nous nous tournons vers Moscou. Ah oui, ça c'est un argument qui porte à l'époque. En ces temps-là, obligatoirement, oui. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, est déjà une puissance régionale qui compte. Et qui intéresse beaucoup les États-Unis. Tellement même qu'en 1965, ils ne seront pas étrangers à la destitution du président Soekarno, jugé trop progressiste. C'est un coup d'État de l'armée qui donnera lieu, il faut le rappeler quand même, au massacre de centaines de milliers de communistes ou prétendus tels. Alors, revenons à l'histoire de la Papouasie occidentale que les Indonésiens appellent l'Irian Barat, puis l'Irian Jaya, après le putsch du général Suharto. Ça veut dire quoi, ça ? Irian, ça signifie terre brûlante émergeant de la mer, en langue biak. Et Barat veut simplement dire occidental, tandis que Jaya peut se traduire en indonésien par victorieux. Et c'est le terme adopté par les militaires qui vont instaurer en Papouasie, comme dans tout l'archipel, ce qu'ils appellent l'ordre nouveau. C'est-à-dire un régime dictatorial. Mais enfin, je reviens à ce que vous disiez là. Donc, La Hollande s'incline hein. Bah, il ne peut en être autrement face aux pressions américaines, d'autant qu'elle fait partie de l'Alliance Atlantique. C'est donc une alliée des États-Unis. Oui. Et la Haye doit accepter un véritable tour de passe-passe. Dans un premier temps, la Papouasie occidentale est confiée à la tutelle de l'ONU. Et un an plus tard, en 1963, l'organisation internationale cède tout bonnement le territoire à l'Indonésie. Et les Papous, alors, qui ont déclaré leur indépendance ? Oh bon, on se soucie peu de leur demander leur avis. Et quand enfin, en 1969, on les consultera, ce sera à l'occasion d'un référendum complètement truqué qui sera pourtant avalisé par l'ONU. En effet, alors que les Papous sont à peu près 1 million, seuls 1 millier d'entre eux seront appelés à se prononcer sur une éventuelle autodétermination. Et naturellement, le résultat est favorable à Jakarta. D'autant que ces délégués censés représenter la communauté papoue dans son ensemble ont été préalablement parqués dans un camp d'internement. Voilà, sous la garde de l'armée ? Bien sûr. Ouais. Il s'est donc agi d'un simulacre de scrutin. Et ici, je dois souligner que dans Le Monde, le seul chef d'État à dénoncer cette supercherie a été le général de Gaulle, qui avait été alerté par André Malraux. Mais, bon, j'en reviens à la question essentielle. Pourquoi l'Indonésie voulait-elle à tout prix aboutir à cette annexion ? Ben, un désir d'expansion, non ? Jakarta n'agira pas autrement avec l'île de Timor. Hein. Les militaires indonésiens imposeront leur loi avec une férocité absolue. Alors vous avez raison. Les généraux au pouvoir à Jakarta brûlaient d'envie d'élargir leurs possessions, ne serait-ce que pour offrir des territoires nouveaux à une population toujours plus nombreuse. Et donc pour procéder à ce qu'on peut appeler une colonisation de peuplement. Et ils ne tarderont pas à la mettre en œuvre. Mais il y avait autre chose. La richesse exceptionnelle de la Papouasie occidentale ou de l'Irian Jaya, comme on la nomme désormais. Une richesse de quel ordre ? Le sous-sol d'abord. Le territoire regorge de cuivre et d'or. Mais aussi d'étain et de nickel. Et puis il y a les arbres, tout ce bois précieux dont on raffole en Occident. Il faut aussi ajouter le pétrole, le gaz et la qualité du sol qui permet de faire pousser à peu près tout. À commencer par ces palmiers à huile qui sont aujourd'hui cultivés dans la plupart des pays équatoriaux ou tropicaux. Au dépend des cultures alimentaires. Et ça se traduit souvent par de véritables catastrophes et même des expropriations criminelles comme en Colombie. Mais enfin, je m'éloigne. Ouais, en tout cas, pour procéder à ces cultures industrielles, il faut d'abord défricher la forêt. Bien entendu. La forêt qui est sacrée pour les Papous et tient une place considérable dans leur mythologie parce qu'elle abrite les esprits. La forêt qui, en Papouasie, est aussi riche d'une biodiversité exceptionnelle. On ne cesse encore aujourd'hui d'y découvrir, exploration après exploration, des espèces végétales ou animales nouvelles. Ouais, mais une forêt que l'on sacrifie donc petit à petit. C'est malheureusement la vérité. Et sans se soucier des conditions d'existence des Papous et a fortiori de leurs croyances traditionnelles, ces hommes, prétendument primitifs, considèrent en effet que la terre est leur bien le plus précieux. Au fond, et vous le constaterez dans la suite de cet entretien, pour les colons et tous ceux qui s'enrichissent là-bas, une Papouasie sans Papou serait l'idéal. Et c'est pourquoi on s'essaiera à en exterminer un bon nombre. Rendez-vous avec X. Le géographe Frédéric Durand a parcouru l'Indonésie en long et en large et a réussi à entrer en Papouasie occidentale, où il s'est vite aperçu qu'il n'était pas le bienvenu. Dans cet extrait de son journal de bord, paru à La Talente en 2001 sous le titre « La jungle, la nation et le marché », chronique indonésienne, il évoque la forêt de Papouasie. La forêt est un enjeu à la fois considérable et négligeable. Économiquement, elle constitue un potentiel majeur pour les forestiers et surtout un facteur limitant pour l'extension agricole. Toutes les forêts sont rattachées à des villages, à des familles ou à des individus. Un nouvel arrivant peut obtenir, sans problème, une parcelle à défricher pour cultiver sans même avoir à payer. À peine a-t-il l'obligation de rendre à l'occasion service aux prêteurs, mais la terre ne se vend jamais. Au départ ou à la mort de l'emprunteur, elle revient à son premier ayant droit. Le gouvernement a contourné le problème en nationalisant unilatéralement les forêts tout en essayant, dans la mesure du possible, d'implanter les projets assez loin des villages autochtones pour que les réclamations soient difficiles. Mais, au-delà de l'économique, on sent bien que l'enjeu est surtout symbolique. D'un côté, un pouvoir militaire sûr de sa supériorité, manifestant sa volonté de civiliser en imposant un modèle où les forêts n'ont guère de place. De l'autre, des populations auxquelles guère de choix n'est laissé. Aux raisons qui expliquent les convoitises indonésiennes pour la Papouasie, il faut bien sûr ajouter le prétexte de l'action civilisatrice. Attends, il y a un prétexte ? Seulement un prétexte ? Bah, bien évidemment, car à Jakarta, les généraux se moquent bien du sort des Papous pour lesquels ils n'ont que mépris. Je vous citerai de mémoire les propos d'un militaire indonésien présent là-bas. Mm-hmm. Il disait à peu près « Ce sont des primitifs, sales et stupides, des êtres qui se situent entre les singes et nous. » Eh ben. Ah, ils font donc, enfin si j'ai compris, leur apprendre à vivre. Et ne pas hésiter à utiliser le bâton quand il le faut, pour leur bien, ça va de soi. Et ces propos ont été recueillis il y a quelques années seulement. Ouais. Le racisme est donc aussi une donnée importante de la question papoue. Alors, après cette parenthèse édifiante, je poursuis. L'exploitation à outrance de la forêt ou du sol qu'elle couvrait aboutit donc à un désastre écologique et humain sans précédent. Mais il y a encore plus grave, si c'est possible. Ben quoi alors ? L'or et le cuivre. C'est dès 1967 que la compagnie nord-américaine Freeport, une puissante multinationale, s'intéresse à la Papouasie occidentale, où ses géologues ont confirmé la présence de grandes quantités d'or dans le sous-sol montagneux de l'île. Une présence d'ailleurs avérée à la fin du 19e siècle par les premiers explorateurs et des aventuriers européens venus y chercher fortune. Freeport, qui dispose de moyens financiers considérables, entend donc se lancer dans une extraction industrielle du métal précieux. Oui, et puis en bénéficiant de concessions octroyées généreusement par les autorités indonésiennes. Des autorisations qui ne sont pas très difficiles à obtenir. Il suffit de payer les militaires et même de les associer à l'exploitation. D'ailleurs, c'est la troupe qui va être chargée de surveiller les installations minières et de les protéger contre d'éventuels intrus. Les Papous ? Naturellement, car ces prospecteurs, qui vont littéralement dévorer la montagne avec leurs puissantes machines, s'attaquent là encore à ce qu'il y a de plus sacré chez les Papous. La montagne ? Oui, la montagne nourricière, imaginée comme une femme dont les collines environnantes seraient les seins. Un endroit où les hommes vivent après leur mort. C'est donc un véritable outrage pour les Papous. Et selon vous, est-ce que ça justifie ces mesures de sécurité autour des installations minières ? Pas seulement, parce que la réalité est celle que les patrons de cette gigantesque mine d'or veulent dissimuler à tout prix, au point d'interdire toute visite du site, c'est que l'extraction produit des quantités de déchets toxiques absolument inimaginables. Des dizaines de milliers de tonnes chaque jour. Je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais j'ai lu que ces saloperies, boue, sable et poison comme le mercure, couvraient déjà en 2000 une superficie de plus de 200 000 hectares étalés sur 125 km de long. Ouais. Là se situe le vrai scandale. Oui, car l'accumulation de ces résidus pollue dans des proportions encore jamais vues. Pollution des sols, des eaux et bien sûr intoxication des hommes qui vivent à côté. Mmh. Cependant, est-ce que au moins, ces autochtones sont autorisés à travailler à la mine. Certains, oui. Enfin, je vous laisse imaginer quel genre de besogne on leur confie. Quant aux autres, ceux qui vivaient de la terre et chassaient sur ce territoire, ils en sont réduits à une sorte de clochardisation. Et malheur à eux s'ils protestent. Les soldats ou les gardes ont la détente facile. Et on ne compte plus les violations des droits de l'homme. Ouais. Ces hommes armés, alors agissent donc en toute impunité. C'est à peu près ça, oui. Et lorsque des ONG ou l'évêque local sont amenés à émettre des protestations auprès des autorités, on leur rétorque que les victimes étaient en relation avec les guérillas. Alors, il existe donc des mouvements d'opposition armée. Oui, enfin, je vous propose de voir ça dans un instant. En attendant, et toujours à propos de l'extraction minière, il faut noter que rien ne semble devoir l'arrêter. Freeport ne cesse d'obtenir l'extension de ses concessions qui couvrent maintenant des superficies énormes. Plus de 2,5 millions d'hectares. Des concessions octroyées par le gouvernement. Bah, que voulez-vous ? Jakarta n'a rien à refuser à Freeport ou aux autres sociétés minières. Sachez seulement, bon, là j'en aurais peut-être fini avec les chiffres, que cela procure au moins 1 milliard d'euros annuels à l'Indonésie. Ouais, ça c'est un pactole qui ne se refuse pas. Pactole qui permet naturellement de graisser bien des pattes. Et ça signifie que les Papous ne doivent pas espérer récupérer leurs terres avant des décennies, peut-être même jamais. Mais est-ce qu'ils touchent malgré tout une partie de ce pactole? Bien sûr. Très généreusement, il leur est accordé 2% des bénéfices. Bon, c'est ridicule. Je ne vous le fais pas dire. Et ce scandale est passé sous silence par l'opinion internationale. On n'en parle presque jamais. Vous avez raison. Mais qui s'intéresse vraiment aux Papous? Et quelle force représente-t-il face à une puissante multinationale comme Freeport, qui extrait chaque année des centaines de milliers de tonnes de cuivre et plus de 30 tonnes d'or? Freeport, un état dans l'état qui fait la pluie et le beau temps en Papouasie-Occidentale et s'est astucieusement entouré de conseillers prestigieux et influents. Par exemple ? Henry Kissinger, par exemple. Pendant longtemps, l'ancien secrétaire d'État américain a touché 600 000 dollars par an en tant que conseiller de la multinationale. Ce n'est pas rien. En effet, oui. Ah, vous me parliez de guérilla. Hein ? Pour bien comprendre, il me faut faire un petit retour en arrière. Au début des années 60, avant que l'ONU prenne cette ahurissante décision de remettre la Papouasie-Occidentale à l'Indonésie, les Papous croient encore à l'indépendance de leur pays. Et d'autant que le colonisateur hollandais ne s'y oppose pas. Et se déclare même disposé à préparer cette indépendance. Aussi, la décision de l'ONU est-elle ressentie comme un vrai coup de massue. Mais les Papous gardent-ils néanmoins l'espoir d'acquérir cette indépendance? Oui, pendant quelques années encore, ils pensent qu'une solution négociée peut intervenir. Mais après ce simulacre de référendum d'autodétermination, ils ne peuvent plus se faire d'illusions. S'ils veulent être un jour maîtres chez eux, il leur faudra lutter. Un combat politique? Et même militaire, si on les y oblige. Donc, dans un premier temps, on voit se créer une organisation pour la Papouasie libre, l'OPM. Puis, un peu plus tard, au début de la décennie suivante, ce mouvement donne naissance à un gouvernement provisoire de la République de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah, c'est une république qui réunirait les deux parties de l'île, alors. Si l'australienne, oui, et l'indonésienne. Ouais. Ce qui serait assez logique. Hein. Et c'est peu après, en 1975, que l'Australie accordera son indépendance à la moitié d'île qu'elle possède. Et ça doit conforter les populations de l'autre partie. Naturellement. Mais il nous faudrait tout de suite dire qu'au-delà de la seule revendication nationale, il existe aussi chez les créateurs de l'OPM la volonté d'affirmer leur identité noire. L'exaltation de la négritude. Et d'ailleurs, l'apôtre de la négritude, Léopold Sédar Senghor, affichera sa sympathie pour les militants de l'OPM. Lui et d'autres dirigeants africains. Et l'OPM ouvrira une représentation à Dakar. En réalité, les propagandistes de cette négritude papoue, veulent surtout lutter contre l'assimilation asiatique que Jakarta entend imposer par cette colonisation de peuplement dont je vous parlais. Car au fil des années, les Indonésiens, principalement des Javanais, seront toujours plus nombreux à venir s'installer en Papouasie. Ouais, c'est ce qu'on appelle la transmigration, à l'instigation de Jakarta. Bien sûr. Ouais. Quoi qu'il en soit, les indépendantistes papous ne tardent pas à passer à l'action. On observe ici ou là des opérations armées, par exemple des attaques de postes militaires ou de sites pétroliers. Et même des prises d'otages. Ah, c'est une guérilla. Oui, mais une guérilla sporadique. Manifestement, ces indépendantistes n'ont guère les moyens et combattent encore avec des arcs et des lances. En outre, la population demeure généralement passive. Les réactions de Jakarta, alors? Ce sont des généraux qui sont au pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, ils ripostent avec une extrême brutalité. Des villages sont bombardés au napalm, mais par milliers, les survivants doivent fuir dans la montagne et se réfugier, quand ils le peuvent, de l'autre côté de la frontière. Ouais, c'est-à-dire dans la partie encore australienne. Et bientôt indépendante. Mais la présence de ces réfugiés regroupés dans des camps n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Ce ne sont pas toujours les bienvenus. C'est ça. Et la fraternité papou finira par voler en éclats. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Sous le titre « La guérilla oubliée des Papous », Le Monde diplomatique a publié en 2002, sous la signature de Damien Faure, un long article sur la Papouasie occidentale. Son auteur a d'abord donné la parole aux représentants de l'organisation indépendantiste OPM en Europe, Sem Karoba. Je cite. Depuis 1969, nous sommes assassinés et nos villages sont bombardés. Nous ne maîtrisons pas notre propre éducation et notre langue est interdite. Nos maisons sont détruites. Notre culture est méprisée, car notre religion traditionnelle nous conduit à croire aux arbres, aux montagnes, aux fleuves. Les compagnies minières nous disent qu'il faut croire en un Dieu unique et non aux divinités de la nature. Et Damien Faure poursuit ainsi. Animés sans doute par cette foi religieuse, les sociétés minières, notamment l'entreprise américaine Freeport, déversent depuis des décennies des tonnes de déchets chimiques et saccagent la nature, provoquant une catastrophe écologique de très grande ampleur et le déplacement d'une partie de la population de la région. Bref, comme le dit Sem Karoba, une des principales raisons de la colonisation provient des richesses de notre sol. Le bois précieux, l'or, l'argent, le cuivre sont pillés par les entreprises étrangères. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je me bats, je vous répondrai que mes montagnes saignent, que mes forêts sont saccagées et que mes rivières sont empoisonnées. Assez égoïstement. Les Papous de l'ancienne colonie australienne vont donc se désolidariser de leurs frères de la partie occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée. Ils iront même jusqu'à signer, en 1986, un traité de respect mutuel et d'amitié avec Jakarta. Ça, c'est un coup dur pour les indépendantistes de la partie indonésienne. Effectivement, car ils disposaient jusque-là d'une base arrière bien utile. Mais d'autres facteurs contribuent à leur affaiblissement progressif. Et d'abord le fait que les Papous n'ont jamais formé une véritable nation. La Papouasie, c'est un puzzle de tribus qui parlent rarement les mêmes langues et se sont traditionnellement combattus les armes à la main. Alors, l'unification est difficile. Et en outre, aucun leader emblématique n'a réussi à s'imposer et donc à incarner le mouvement indépendantiste. Et quand certains sont parvenus à devenir des leaders, ils n'ont pas tardé à être emprisonnés ou même abattus par le colonisateur indonésien. Ajoutez à cela la pauvreté des moyens militaires, et vous comprendrez aisément que la guérilla papoue demeure impuissante face à une armée moderne et bien équipée. Et puis aussi le manque de soutien à l'étranger. C'est évident. Qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe en Papouasie occidentale? Seuls des écolos approuvent le combat des indépendantistes. Parce que les dégâts infligés à la faune et à la flore de la Nouvelle-Guinée risquent d'être irréversibles et concernent donc le monde entier. D'ailleurs, les Papous l'ont bien compris. Et leurs actions de guérilla visent souvent des objectifs économiques et écologiques. Une écolo-guérilla. C'est ça. Ça signifie donc que les Papous n'ont pas renoncé et continuent à lutter. Oui, mais n'allons pas trop vite. Les autorités indonésiennes, sans jamais s'abstenir d'utiliser la manière forte et de massacrer quand il le faut, usent aussi de méthodes encore plus pernicieuses pour étouffer les aspirations indépendantistes des Papous. Mais attendez, avant d'aller plus loin là, a-t-on une idée de l'importance de ces massacres? On ne dispose que d'estimations, car lorsque ces exactions ont lieu dans des tribus reculées, elles passent généralement inaperçues. Cependant, les chercheurs estiment qu'au moins 100 000 Papous ont été exterminés depuis le début des années 60. Une vraie saignée. Alors, ces méthodes-là dont vous parliez, ces méthodes mises en œuvre par Jakarta, L'une est assez classique. C'est celle de la division. Les Indonésiens ont ainsi suscité la création d'une autre organisation politique. C'est un mouvement rival de l'OPM. Et dirigé par d'anciens militants indépendantistes, oui. Ce qu'on appellerait ailleurs des collabos. Enfin, n'exagérons pas. Ces gens-là ont donc naturellement appelé à la fin de l'action armée et à une médiation avec les autorités indonésiennes. Et force est de constater qu'ils ont parfois été entendus. Mais c'est la deuxième méthode qui a été la plus efficace. Et quoi alors? C'est un thème que j'ai déjà évoqué, la colonisation de peuplement. Mais une colonisation effectuée à grande échelle. On avait dit qu'il s'agissait d'abord d'offrir de nouveaux territoires aux Indonésiens. C'est vrai, car les Indonésiens se sentaient un peu trop à l'étroit dans leurs îles. Et l'immense Papouasie occidentale permettait de faire face à ce problème de surpopulation. Mais en réalité, les généraux de Jakarta poursuivaient surtout un autre objectif. Rendre peu à peu la population papoue minoritaire dans son propre pays. Et donc étouffer par là même toute velléité d'indépendance. Les dirigeants indonésiens ont donc imaginé de transplanter jusqu'à 10 millions de personnes en Papouasie occidentale. Ouais, c'est un chiffre considérable, mais attendez, est-ce que cet objectif était réaliste ? Non, non, et d'abord parce que ça coûtait cher. Ces nouveaux colons devaient en effet être incités à partir pour la Papouasie occidentale. Et une fois sur place, il fallait leur donner de la terre, une maison et des moyens d'existence. Alors, 10 millions de migrants, non, c'était impossible. Il n'empêche que cette colonisation de peuplement était rondement menée. Aujourd'hui, ces colons sont déjà majoritaires dans les villes et tous les postes importants dans le privé comme dans le public sont occupés par des Indonésiens. Au détriment des autochtones, donc. Et en même temps, les autorités ne cachent pas qu'il s'agit de moderniser le pays. C'est-à-dire d'écarter les papous décidément trop arriérés et incapables de comprendre les bienfaits de la civilisation. Ah, si je vous comprends bien, on crée par conséquent une sorte d'apartheid. Et on exacerbe les tensions entre les deux populations. Ouais. Car ces nouveaux arrivants s'installent sur des terres qui appartenaient aux papous. Autre sujet de conflit, la religion. Les colons sont généralement musulmans et ne supportent pas que les paysans papous continuent à élever des cochons comme ils en ont l'habitude depuis des millénaires. Le cochon, animal impur pour les musulmans. Hein. D'où de nombreuses altercations. Toutefois, cette question de la religion est aussi paradoxale. Ouais. Je vous explique. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Mais pour civiliser, entre guillemets, les papous, les militaires ont d'abord joué la carte des missions chrétiennes, présentes pour certaines depuis le 19e siècle. Des protestants, souvent d'origine nord-américaine, ont donc été encouragés à convertir ces primitifs. Ah oui, une façon aussi de les apprivoiser ? De les calmer, vous voulez dire. Et les dirigeants des compagnies minières n'ont pas été les derniers à soutenir ces missionnaires protestants qui, la Bible à la main, ont investi la jungle. On a donc assisté à une grande croisade où pasteurs et militaires, main dans la main, ont entrepris de christianiser les papous et donc de les obliger à renoncer à leurs coutumes traditionnelles. Et ça a commencé bien sûr par l'interdiction de la nudité et la suppression de l'étui pénien pour les hommes et des jupettes en fibres végétales pour les femmes. Autant d'attributs censés offenser la divinité. Et le regard des missionnaires. Bien entendu. Il faut leur substituer des habits décents. C'est ainsi que le textile arrive chez les papous. Il s'agit donc, enfin soyons clairs, d'une vaste entreprise de déculturation. Et car on pense que débarrassés de leur tradition, ces indigènes seront plus facilement soumis. Mais c'est un processus qu'on a observé dans de nombreuses autres colonies, inutile d'insister. Est-ce que l'évolution politique de l'Indonésie va quand même modifier la donne ? Vous voulez parler de la chute du dictateur Suharto en 1998 ? Ah oui, oui. Eh bien, l'événement suscite naturellement un immense espoir chez les indépendantistes papous, car le nouveau président Habibie a aussitôt évoqué les réformes politiques qu'il entend mettre en œuvre. Aussi, les militants indépendantistes se croient-ils autorisés à hisser le drapeau papou en plusieurs points du territoire ? Mais l'armée réplique immédiatement en réprimant ces manifestations et en jetant plus d'une centaine de papous en prison. Fin de l'espoir ? Pas tout à fait. Quelques mois plus tard, le président Habibie accepte de recevoir une centaine de chefs papous. Résultat ? Ces caciques obtiennent le changement de nom de leur territoire. Désormais, on ne parlera plus d'Irian-Jaya, mais de Papouasie occidentale. Et ça change quoi ? Rien. Et l'OPM dénonce immédiatement cette rencontre inutile qui n'a eu pour objet que de brouiller encore un peu plus la revendication indépendantiste. Cependant, naît un nouvel espoir avec l'élection du président Wahid. Ce dernier, en effet, aurait l'intention de faire de l'Indonésie une fédération. Ah, et ça voudrait dire plus d'autonomie pour chacune des régions. Hein. Ah oui, mais c'est la douche froide. Peu après, le président annonce son intention de diviser la Papouasie occidentale en trois entités. Pour l'OPM, il est clair qu'en multipliant les centres de pouvoir, Jakarta veut surtout paralyser les aspirations indépendantistes. Et ça se traduit fin 1999 par de nouvelles manifestations réprimées par l'armée. Quant au président et à ceux qui lui succéderont, il est évident qu'ils ne donneront jamais satisfaction aux revendications papoues. Mais même s'il le voulait, le pourrait-il ? Vous avez raison de poser la question en ces termes. car l'armée continue de peser de tout son poids sur la politique indonésienne. Et les militaires défaits au Timor oriental n'accepteront jamais la sécession de la Papouasie occidentale. Parce qu'ils sont nationalistes ? Ah, férocement nationalistes, oui. Mais surtout parce que ce territoire est pour eux une véritable poule aux yeux d'or. La protection qu'ils accordent aux installations minières leur procure des rétributions faramineuses. Donc pas question d'y renoncer. Il en est de même à Jakarta, où les autorités ont absolument besoin de la manne des industries du cuivre et de l'or. Par conséquent, vous êtes très pessimiste sur le devenir des Papous. D'autant que leur situation ne fait qu'empirer. En plus de l'armée qui assassine et viole, les indépendantistes doivent aussi combattre des milliers de paramilitaires. Certains regroupés au sein de milices anti-indépendantistes, soutenues par l'armée indonésienne, et d'autres rassemblés au sein d'une organisation islamiste qui s'est exportée en Papouasie-Occidentale avec l'aval de l'armée, après avoir semé la terreur dans les îles Moluques. Ouais, les îles Moluques, où là aussi il existe des revendications indépendantistes. Hein. Alors, les Papous fondent leurs derniers espoirs dans l'Australie. Las de devoir héberger des boat people qui fuient la Papouasie, les Australiens accusés par ailleurs de soutenir le séparatisme papou pourront peut-être agir ou proposer au moins leur médiation. J'emprunte la conclusion à un article de 2006 paru dans la revue Focus Asie du Sud-Est. Le sentiment anti-indonésien est plus fort aujourd'hui chez les Papous qu'en 1961, quand l'étoile du matin, le drapeau papou, a été pour la première fois levé. Les élites locales se sont radicalisées. Cette situation est le produit d'une administration militaire brutale, du ressentiment à l'égard des colons, de l'exploitation égoïste des ressources, de l'indifférence ou du mépris affiché par les Indonésiens à l'égard des autochtones. Les Papous, dont la pauvreté serait croissante, se sentent à la fois marginalisés et dépossédés. La faiblesse de l'OPM, Organisation pour une Papouasie libre, guérilla née au milieu des années 60, armée de chasse-peau, d'arcs et de flèches, ne reflète pas la mesure du désarroi des populations isolées et ignorées par le reste de la planète. Le véritable paradoxe, toutefois, est que l'indépendance de ce territoire demeure, dans les conditions actuelles, une option pratiquement impensable. Trop d'intérêts sont en cause. Alors je vous rappelle que sur France Inter, ce week-end, on célèbre le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment l'émission de Sandrine Mercier au détour du monde à 16h. Demain sera consacrée au peuple libre avec un reportage sur les Papous, mais pas les Papous dont on vient de parler, mais les Papous de Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire les Papous de la partie indépendante de l'île. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez en principe podcaster cette émission. Je vous rappelle aussi que vient de paraître un nouvel ouvrage d'après Rendez-vous avec X, Les Dessous de la France-Afrique, coédité bien sûr par France Inter. Merci à Valérie Ayestaraï, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash du verre CO2, mon amour, de Denis Chessou.